Bibi la preuve sous la caméra de Bouska. Bouska nous-mêmes. Peufra. Nique sa mère la réinsertion, blindé comme ses R7, Zepek vole ses R9, faire des ronds en R, Lips, ça roule en T-stone, dans des rues elles sombres. Je me suis fait seul, viens pas donner des leçons. J'ai le sens de la musique, t'as validé la clé de sol. Y'a 6 mois je t'ai fait à l'usine, aujourd'hui je d'aide ça. On le fera nous-mêmes, faut pas que t'aies les oreilles, ça vient paniquer mes rêves, j'suis en bord de mer, un RS5. Je me vends la belle, je te laisse ton label 5. Tu réponds plus au tel quand tu dois de l'oseille 5. Fais pas le mec hautain, t'as coulé comme Calvin Klein. Père de requin, va t'enculer Philippe Plein. Avec les miettes, miettes, on va te faire un bout de pain. Je vais les wet, j'ai la recette des ricains. C'est la faute à qui, c'est la faute à qui encaisse. Rien n'est encore acquis, on se nourrit avec les restes. Je traîne sur épiné dans la sacoche, une arme de l'Est. Je laisse te dandiner, je prends un billet Los Angeles. Personne va nous piner, déchets le kiné, je suis dans le Guinness. Oui, le rap français est plus prometteur que le rap US. La rafale vient d'ailleurs, tu peux tourner ta veste. Fais pas la mafia si tu connais mon adresse. Tu m'as connu hier, tu vas me connaître à vie. Tu m'as connu cette nuit, ça sera sans lendemain. Je suis seul face à la mer, je provoque le tsunami. Je me suis sorti de la mer dans un qui ne valait rien. Je suis toujours dans la street, ici que je gamberge. À force de pomper mon style, tu vas te la manger dans le derge. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Le 29 septembre, je vais sortir mon projet. Et je sais que la team peut frapper à booster. On reste nous-mêmes depuis des années. Le 29 septembre, je vais sortir mon projet. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Bibi la peuf sous la caméra de Bouscap. Le 29 septembre, je vais sortir mon projet. Et je sais que la team peut frapper à booster. On reste nous-mêmes depuis des années. Le 29 septembre, je vais sortir mon projet.